sa joie. Loin de l'ignorance, il démontre sa foi. Riche d'armes et de valeurs, ils répareront les erreurs. Fils et filles, vous et moi, prêts au combat. Maqueda et Terrain, belle et puissante. Salomon rêvait de sa peau noire. Oh, oh, oh.